1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dès que j'arrive, tu me prives de cul but d'Angélie. Sur l'autre rive, on prive de pute à Angélie. 1, 2, 3, le mic branché, bouge tes hanchés, n'oublie pas de penser. Si tu te m'as dansé, bouge vers tes fesses, SS. Même si t'en laisses, SS. Mes ennemis et mes ennemis, c'est la presse, SS. Un saint, fais ça, mène-moi, mais c'est un parisien. Terrien, adorant les siens, on est chaud. Pour le show, sans faire yo-yo, kicker sur les dos, j'ai ta l'eau. Pas faire d'auto, t'as du style. Mais mon mic, et c'est bien nice. Aïe, aïe. Si la fight, appelle-moi Iron Mike. Quand t'es de bas niveau, tu flirtes avec ta niveau. Qui sait combien info, aucun gars, aucun go. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. J'essaie de garder ma destinée. Pas faire piétiner, dessiner mes signes. Mais aucune m'en rancunier. Coquette, frisquette, t'aimes bien ma quéquette. Honnête, en fait, au fait, pas net et la jet-set. Si t'as pas compris ce que je dis, Oyokinokinoki, c'est la terre du sommeti. Allez, Totokiwoki. J'adore les mouquets, mouquets, adore les smokés. Ok, toqué, s'il y a une petite, faut pas se moquer. Oh, le Fred, ça fait mal. Mais t'en raffoles de plus.